vous êtes assez fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard argumentera son point de vue dans sa chronique hebdomadaire sur l'actualité et David Perron sera de retour pour une édition très spéciale de ses cartes glitchées. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 22 février 2016. On est 64 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, très bien. Belle fin de semaine. Très belle fin de semaine. Ouais. J'ai passé la fin de semaine ici à Trois-Rivières, mais pas chez moi. Oh. J'avais une amie de l'extérieur qui avait une grosse compétition de danse qui se déroulait au Delta de Trois-Rivières. Donc, j'ai passé la fin de semaine au Delta et j'ai vraiment été surprise du talent, que ce soit des trifluviens en danse ou encore les autres troupes d'un petit peu ailleurs au Québec qui sont venus pour performer. C'était vraiment très impressionnant. Moi, ça me passait, j'avais de quoi tous les soirs, fait que j'ai dormi samedi toute la journée. Ça n'avait pas l'allure. Chanceux. C'est le fun, fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Bref, le plan d'aujourd'hui, Tania, à 8h, David Ferron va être de retour, mais pas en studio. Il va nous présenter une entrevue qu'il a fait avec Aaron. Donc, on va entendre ça à 8h tout à l'heure. Ensuite, à 8h30, Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire sur l'actualité, surtout québécoise. Donc, on va chialer un petit peu avec lui. Ensuite de ça, à la fin de l'émission, ta chronique Tania Esgolage de Tania, qu'est-ce qu'il s'en est? Bien, en fait, je vais vous parler de sommeil. Quand même. Oui, c'est ça. Peut-être moins de sommeil, mais plus, comment pourrais-je dire, d'épuisement. Comment savoir qu'on est épuisé? Absolument. On va commencer avec C'est un fait dans quelques instants. La chronique pour apprendre un petit peu. Mais avant ça, une pièce de Jason Bahala. Voici Pékin. Dis-moi à qui tu penses. m'appelle ce soir. Comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu me trouves belle ce soir. Comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu m'appelles ce soir. Comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu me trouves belle ce soir, ce soir. C'est Jason Bahala, la pièce Pékin, les amitiés, assemblage requis. Maintenant, peu importe où vous habitez, vous avez besoin d'apprendre. En temps normal. Ah, même si vous êtes un étudiant international, peu importe, vous arrivez à l'UQTR et vous avez soif d'apprendre, on est là pour ça. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables, véritables et vérifiables selon Internet. Et on commence avec un fait sur les jeux vidéo. Savais-tu que la manette de la PlayStation première du nom était 10% plus grosse aux États-Unis qu'au Japon? Ah ouais? Parce que les Américains ont de plus grosses mains que les Japonais. Qui a du sens quand même. Là. C'est vrai, on peut pas vraiment passer à côté puis dire que c'est pas vrai. Exactement. Il y a une image sur la page Wikipédia, voilà, que j'ai mis sur assemblagerequis.com. Ensuite, les oiseaux-mouches. Oui. Hein, je sais que t'aimes beaucoup les faits ça, sur c'est les que oiseaux. Ça ressemble à des colibris, hein, les oiseaux-mouches. Je crois que c'est exactement ça, en fait. Oiseaux-mouches est un synonyme de colibri, Tania. On gagne tous les deux. Bravo. Donc, je me souviens des colibris qui venaient se poser sur une fausse fraise que ma mère avait mise dans ma cour quand j'étais jeune. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je... En tout cas. Juste une fausse fraise? Mais c'est en fait, c'était comme une mangeoire à oiseaux, oui. Mais c'était fait en forme de fraise, puis il y avait comme du coulis de fraise qui coulait de ça, ce qui approchait, ce qui attirait les colibris. Donne-moi pas faire de même. Je crois que les colibris, c'est ma sorte préférée d'oiseaux. Bon, ben peut-être que tu vas aimer ce fait-là sur les oiseaux. On sait qu'à travers le temps, les faits d'oiseaux, c'est pas tes préfs. C'est ça. Donc, les oiseaux mouchoirs, encore, les colibris sont constamment à quelques heures de mourir de faim. Ils sont seulement capables d'emmagasiner assez d'énergie pour survivre la nuit. Ils ont le plus haut taux métabolique du royaume animal, donc leur battement de cœur peut aller jusqu'à 1260 battements par minute. Ils vont respirer 250 fois par minute au repos. Ben, Moses. Les petits colibris. Étant donné que les bébés écoutent les langages qui sont parlés autour d'eux alors qu'ils sont toujours dans le ventre de leur mère, ils vont développer des cris distincts qui reflètent là où ils sont nés, l'endroit où ils sont nés. Donc, les bébés pleurent avec des accents, ce qui fait que c'est possible de distinguer un bébé français d'un bébé allemand basé simplement sur la façon qu'il pleure. T'es-tu sérieux? Je jure! C'est intéressant, ça. Ouais, hein? C'est selon Scientific American. Les cacatoès, on vient aux oiseaux, tiens. Les cacatoès répondent souvent d'une façon assez prononcée à la musique. Il y a plusieurs vidéos qui existent sur YouTube, entre autres, d'oiseaux qui dansent. C'est vrai. Une recherche en 2008 avec un cacatoès d'Eleonora, voilà, indique que cet oiseau-là, en particulier, était capable de percevoir le rythme dans la musique et synchronisait son mouvement corporel au rythme. Ah, oh, ouais. Ben, intéressant, ça aussi. Ensuite, il y a un resort proche de Disney World qui est fait pour les enfants avec des maladies en phase terminale et pour leur famille. Donc, il n'y a pas de liste d'attente. Ils vont pas refuser d'enfants dans les manèges. Et tout ça, ça a été l'idée à la base d'un survivant de l'Holocauste. Ça s'appelle Give Kids the World Village. C'est un resort, à but non lucratif, à Kissimmee-Saint-Cloud. Kissimmee, tu sais, comme on voit dans les annonces à la télé. Oui, Kissimmee, en Floride. Donc, pour les enfants qui ont une maladie qui menace leur survie et pour leur famille. Donc, on essaie d'accommoder, de donner accès à des billets pour ces enfants-là. Give Kids the World, fondé par Henry Lenworth, un survivant de l'Holocauste belge qui a passé 5 ans dans les camps de concentration de Auschwitz et Mauthausen. Lenworth a immigré aux États-Unis où il a étudié en hotel management, donc gestion d'hôtel. OK. Alors qu'il opérait un hôtel à Orlando, il est devenu... Il s'est découvert une passion pour aider les enfants malades et accomplir leur rêve d'une vacance en famille. Une église catholique de San Francisco a installé un système d'eau au-dessus de ses portes pour noyer. J'espère, mon Dieu. Non, pour tremper les sans-abri qui essaient de dormir là. Oh. Tu sais, l'église catholique. Oui, aux États-Unis, c'est très, très problématique, hein. Ouais. Je pense qu'ils sont à veille de faire ça à Montréal aussi. Peut-être, mais à un moment donné, l'église n'est-elle pas là pour aider les sans-abri? Ouais. Plusieurs tribus amérindiennes reconnaissaient autant jusqu'à 4 genres. Et les gens qui étaient considérés comme homosexuels par les standards modernes étaient respectés parce qu'ils avaient 2 esprits. Ah, oh, ouais. En eux. 4 genres. Ensuite, selon la population qui y vit en ce moment, donc une ville minière des États-Unis, s'est retiré de l'Union en 1850, formant la Grande République du Rough and Ready. Great Republic of Rough and Ready. Donc, rough comme dans dur, solide, et ready comme dans prêt. Là. Donc, ils se sont retirés de l'Union en 1850. Et ensuite, ils se sont remis dans l'Union après avoir réalisé 3 mois plus tard que les citoyens ne pouvaient pas célébrer l'indépendance américaine s'ils étaient séparés de l'Union. Un homme a été trouvé coupable d'avoir violé une loi du Michigan, une loi vieille d'un siècle, contre les jurons près des femmes et des enfants. Donc, il est allé en cour, est allé en appel, éventuellement a gagné, et la cour a retiré cette loi-là dans le Michigan. Belle. C'est une loi sur les jurons devant les femmes et enfants. C'était en quelle année? Donc, c'était en... Attention. Ça le dit pas, mais c'est récemment, donc c'est une loi vieille d'un siècle. Ah, oui, c'est récemment, mon Dieu. Allons-y avec la CIA qui a créé un fusil qui pouvait tirer des dards qui causaient une attaque cardiaque. Hein? Lorsque ça pénétrait la peau, ça laissait juste un tout petit point rouge. Le poison lui-même travaillait très rapidement. Ça a été révélé en 1975 lors d'un témoignage devant le Congrès. Donc c'était un fusil de la CIA. My God! Il laissait juste un petit trou, un petit point rouge, voilà. Lorsque Lawrence Anthony, un conservationniste, mais en français, comment est-ce que je pourrais dire ça? Quelqu'un qui aimerait préserver les animaux et la nature, la faune. Voilà. Donc, au niveau international, il était connu sous le nom de celui qui souffle à l'oreille des éléphants. L'Elephant Whisperer. Lorsqu'il est mort, certains éléphants ont continué à venir à la continué de venir à la maison de la famille, selon, évidemment, la façon que les éléphants viennent... c'est comme ceux qui font avec leurs propres... Oui, c'est vrai. Hein? Leurs propres frères, sœurs et éléphants d'importance. Ils faisaient la même chose c'est avec... C'est intelligent, les éléphants. Ça a pas l'air intelligent, mais ça semblerait que c'est très, très intelligent. Exactement. On reste chez les animaux avec les girafes maintenant qui ont de belles petites taches sur leur fourrure. Il n'y a pas deux girafes dans le monde qui ont exactement le même pattern, les mêmes formes de taches. Okay. Les girafes, même qui viennent d'une même région, ont l'air similaire de loin, mais quand on regarde de proche, c'est différent. Donc, il y a une carte sur assemblagerequis.com qui vous montre en gros là, différentes régions et les différentes taches qu'ils peuvent avoir. Ça vient d'une étude sur leur structure génétique. Voilà. Ensuite, pendant le siège, donc quand une ville était assiégée, ce qu'on disait, donc une ville qui était, dans le fond, qui était... c'est ça, qui était pas... comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Je suis fatigué, là. Ça a pas... Voir, ma chronique va te venir oui. en aide. On va essayer de l'avoir. Donc, pendant, dans le fond, leur ville était sous... je sais pas comment dire. Ouais, non. J'ai absolument aucune idée comment dire. Mais c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait des performances musicales qui étaient diffusées pendant leur... Détruites? Assiégées, genre... pas kidnappées, mais bref, qui étaient sous l'emprise contrôle. Sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Sous l'emprise, merci. Ça fait plaisir. Bref, il y a des performances musicales qui étaient diffusées par-dessus la ville de Leningrad 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour améliorer l'humeur des civils. À de rares moments, lorsque la musique n'était pas diffusée, il y avait un métronome qui était placé devant le microphone de radio pour s'assurer que les gens sachent que la résistance continuait. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale, oui. En 2008, deux juges acceptaient de l'argent de deux centres de détention juvéniles en retour d'augmenter le nombre de résidents. Donc, on emprisonnait ces jeunes-là pour des petits crimes comme s'être moqué du directeur de leur école sur MySpace, être rentré par infraction dans une bâtisse vide, ou encore avoir volé des DVD de la part de Walmart. Donc, c'est des centres de détention qui devaient augmenter leur nombre de résidents en échange d'argent qui était donné. Voilà. Voilà. Ensuite... 14 février 1916, un groupe de 15 000 soldats australiens est parti complètement... ils étaient tous sous. Ils sont partis dans les rues de Sydney. Ils sont entrés par infraction dans des trains. Ils ont bu de la bière dans des bars. Ils ont asséché ces bars-là. C'était le 14 février 1916, un groupe de 15 000 soldats australiens. Les scientifiques en Autriche ont créé une jambe artificielle qui permet aux amputés de sentir les sensations sur leurs pieds. Intéressant. Donc, les chirurgiens ont rebranché les nerfs et les terminaisons nerveuses, voilà, dans le restant de jambes de ces patients-là, pour les replacer plus près de la surface de la peau. Donc, 6 sensors étaient dans la base donc du faux pied pour mesurer la pression du talon, de l'orteil et du pied en général. Donc, ces signaux-là étaient renvoyés par un microcontrôleur qui amenait ça à des stimulateurs à l'intérieur. Donc, bref, aussitôt que ça touchait à la base du restant, du moignon, si on veut. Donc, ça vibrait, ça stimulait les nerfs, les terminaisons nerveuses sous la peau, ce qui ramenait le signal au cerveau. Voilà, donc quand même intéressant. C'est Wolfgang Ranger, l'ancien professeur, enseignant, qui a perdu sa jambe après un caillot de sang causé par une attaque. Oui. Donc, il a testé cet appareil-là pendant 6 mois dans le laboratoire et à la maison. Il dit « Je ne glisse plus sur la glace et je peux savoir si je marche sur de la gravelle, du ciment, du gazon ou du sable. Je peux même sentir les petites pierres. » Il a 54 ans, il court, il fait du vélo, il fait de l'escalade. Et ça dit aussi que ça réduit le phantom limb pain. Donc ça, c'est le membre fantôme. Okay. Donc quand tu manques un membre, des fois, tu as une douleur comme si fantôme. Tu le sentais encore. Exactement. Ouais. Donc vraiment cool. Ensuite, en Grèce antique, on avait un mot, akrasia, pour décrire le manque d'envie, ce qui nous empêche de faire quelque chose qu'on sait qui est bon pour nous. Mm-hmm. Donc, on sait que c'est bon pour nous, mais ça ne nous tente pas, on n'a pas l'envie de le faire. Donc, ils appelaient ça l'akrasia. Akrasia. On appelle ça la lâcheté. La lâcheté, exactement. Il y a une sorte de poulet rare, où le poulet au complet est noir. Donc, la viande, la peau, les organes, les os, la moelle épinière, la langue et les yeux sont complètement noirs. Chacun coûte 2500 $. Ah. C'est le Ayam Semani Chicken, donc d'Indonésie. une sorte très rare de poulet. Et on voit le petit poussin noir aussi, c'est tout cute. Wow. C'est comme les chats noirs, là, sont sûrement persécutés, mais en même temps, ils sont tellement cute. Mais c'est clair qu'eux, ils sont en voie d'extinction déjà. Là. Oui, c'est ça, dès le départ. Dès le départ. On s'en cachera pas. Là. Ensuite, continuons avec... je vais ouvrir mes prochains liens pendant ce temps-là, 2 secondes. On était rendu donc en 2014. Une étude de Stanford University nous apprend que marcher va augmenter l'inspiration créative. L'étude a examiné les niveaux de créativité chez les gens alors qu'ils marchaient versus quand ils étaient assis. La créativité d'une personne donc augmentait en moyenne de 60% lorsqu'il marchait, peu importe comment il marchait, donc que ce soit à l'extérieur ou sur un tapis roulant. Mm-hmm. Marcher, ça augmente la créativité. En 2012, alors qu'elle avait 17 ans, Stacy Irvine a été amenée à l'hôpital avec des difficultés de respiration, de l'anémie et une déficience de vitamines sévère. C'était causé par sa diète. Ça, elle ne faisait que manger des croquettes de poulet et des frites. Ah, oh, mon Dieu! En tout temps. En 2012, 17 ans, ouais. Ouh! Oui. Tiens, la boat! On appelle ça une boat? Hein? Ouais. Ils ont un nom en français, mais le boat qui tient les hélices sur un hélicoptère s'appelle Jesus Nut. C'est le seul et unique point d'échec, donc le point qui ferait que ça mènerait à un accident d'hélicoptère, ce qui mènerait ouais. à un crash. Donc cette boat là est tellement importante qu'on appelle Jesus Nut, comme dans ces pas là, tu vas mourir. Il est là. Une prière à Jésus. Au 18e siècle, c'était à la mode en Angleterre pour les riches d'engager des personnes pour vivre dans leur jardin, comme ermite. Donc, un ornement, comme on pourrait dire ça, une décoration ermite. Genre un nain de jardin, mais vrai. Avant le nain de jardin, exactement. Donc, une vraie c'est personne terrible. Payée pour s'habiller comme un druide. Oui, terrible. Ouais. C'est genre de l'exploitation. Ben, c'est mieux que de leur envoyer de l'eau à la porte d'une église. J'espère qu'au moins, ils les payaient. Oh, bonne question. Je sais pas. Mark Bustos, tiens, travaille à temps plein. Dans un grand salon de coiffure super reconnu où ses prix commencent à 150$, mais le dimanche, lors de son seul jour de congé, Mark va dans les rues de New York et donne des coupes de cheveux gratuites aux sans-abri. Ah, c'est dommage gentil. Mais ça... Susan Warren, une femme de Cleveland, a été arrêtée parce qu'elle est entrée dans des maisons par infraction, les nettoyait et laissait une facture pour ses services avec ses informations de contact pour se faire payer. Tu sais, c'était une bonne action, OK, peut-être, mais là, elle laissait ses informations. C'était comme, tu sais, bon, c'était ta démonstration. C'est ça, c'est de l'autopromo. Tu as droit à une fois, puis après ça, faut que tu le payes. En fait, non, faut que tu le payes pour la première fois pour la démonstration. La démonstration n'est même pas gratuite. Oui, mais déjà, en partant, la démonstration est rentrée en infraction. C'est ça. C'est que... Ah, je me plaindrais pas, le film... Le film que Ronald Reagan a appelé le pire film à jamais avoir été fait a inspiré Jerry Parr à s'inscrire dans les services secrets. Plus tard, Parr a sauvé la vie du président Reagan pendant que quelqu'un a essayé de l'assassiner en 1981. Pour vrai? Sympathique quand même, hein? Il est pas rancunier, lui. Les frères Wright ont volé ensemble une seule fois parce qu'ils avaient promis à leur père qu'ils avaient peur de perdre ses deux fils dans un accident d'avion qu'ils n'allaient jamais voler ensemble. Ça, wow. C'est les deux gars qui ont créé l'avion. Qui ont inventé l'avion. Donc, les frères Wright, Orville et Wilbur Wright ont volé ensemble juste une fois. Le père, donc, a fait une seule exception à la promesse. Dans le fond, les fils ont fait une seule exception à leur père. Le 25 mai 1910, le père a permis aux frères de partager un vol de 6 minutes près de Dayton alors que Orville pilotait et que Wilbur était le passager. Après l'atterrissage, Orville a amené son père pour son seul et unique vol d'avion. Alors que Orville était en train de monter encore plus dans les airs, son père était tellement excité qu'il a crié « Plus haut, Orville, plus haut! » Et là là. En 2009, la maison d'une femme de 19 ans, Rukshana Kossar, une femme du Cachemire, a été envahie par 3 militants. Rukshana a réussi à désarmer les deux avec une hache, a tué le commandant avec sa propre arme et a forcé les autres à s'en aller. Plus tard, on lui a donné le prix National Bravery Award, un prix pour la bravoure en Inde, et on lui a offert un job avec la police. Hein? Il y en a qui sont faits fort temps. Depuis 1968, un homme se réveillait au lever du soleil chaque matin et se dépêchait de se rendre jusqu'à la fontaine de Trevi à Rome. Une fois rendu là-bas, il ramassait des pièces de monnaie et présumément, on dit qu'en 15 minutes de travail, il ramassait plus de 1000$. Il s'est fait attraper seulement en 2002. Wow! Apparemment que c'est un crime de voler l'argent dans une fontaine. Ben oui. Ben là, il me semble, là, c'est un bien public. Mais non. Non. C'est un crime. Tu peux vraiment te faire arrêter pour ça. Tu te souviens pas, dans le temps, là, il y en avait au centre Les Rivières. Non, je savais pas. Tu savais pas ça? Non. Il y avait des fontaines au centre des rivières. Je savais qu'il y en avait au Carrefour, mais aux rivières, je savais pas. Ouais. C'est bien. Dans les années 50, il y a un chien qui vivait sur le campus de l'université Tennessee Tech University. Un ancien président de cette université-là a dit, damn it, comme dans maudit, ouais. Hein, au chien devant une foule et a couvert ça en disant que c'était le nom du chien parce qu'il fallait pas qu'il sacré devant le monde quand même. Donc, damn it a maintenant sa propre pierre tombale à côté d'une bande fontaine qui fonctionne toujours. C'est dans les années 50, donc un chien qui vivait sur le campus. Voilà, pas mal. Non, c'est drôle. Allons-y avec... tiens, je pense que c'est assez pour ça. C'est assez, on a assez fait de fait pour ce matin. Merveilleux. Tout à l'heure, on va voir David Ferron et sa chronique, sa carte bleachée, en fait. Il va nous passer une petite entrevue qu'il a fait récemment avec Aaron. Donc, c'est comme Aaron Carter. C'est pareil, c'est il est pareil, blague. Mais oui. Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 22 février 2016, c'est Tania Bonin. Avec Mathieu Plante. On est tous les deux un petit peu fatigués, je crois. Juste un peu, juste un peu. Peut-être l'êtes-vous aussi, mais c'est pas grave, on va vous réveiller d'ici 9h30, je pense. On va essayer, du moins. On va retourner se coucher après ça. Bref, dans quelques instants, David Ferron va être là pour sa chronique La carte bleachée. Il va recevoir Olivier Coursier, c'est la moitié du duo Aaron formé avec Simon Buret. Donc c'est dans quelques instants, mais avant ça, voici Savages. Oui, et la pièce Adore. Ouh. À Assemblage Reiki 89 FM. To adore life. If only I'd hidden my love.

as I'm sinking to you, watching all the waves around. All we do is sink in a sound. Baby, if I can't hold you, it's just because I'm sinking to you. If a grown up is a child, I'm bad. Welcome to the sad love club. Formation Aaron et la pièce Shade of Blue sur l'album We Caught the Night. Et avant, l'autre pièce s'appelait Blouson Noir, plutôt dans l'entrevue. Et c'était justement l'entrevue qui a été réalisée par David Ferron avec Olivier Coursier, la moitié du duo Aaron formé avec Simon Buret. Le groupe donnait un spectacle récemment au Metropolis en fin de semaine. Et on remercie David Ferron pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. Bien sûr, on risque de le retrouver éventuellement d'ici la fin de la session, j'espère au moins une autre fois. Espérons. Petite participation ponctuelle de David Ferron que vous pouvez entendre tous les jeudis après-midi à 17h dans son émission à Palmarès du Monde. Et ça, ben, ça rejoue les dimanches à 15h. Voilà. David Ferron, Palmarès du Monde, merci. On prend une pause au retour. Samuel Girard va être là pour sa chronique hebdomadaire. Restez avec nous. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 22 février, c'est pas 2016, Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Une chance qu'on n'est pas encore en janvier, là, le soleil sort, c'est février, clairement. Ben oui. Clairement. Ben clairement. Bref, les lundis matins, à 8h30, on veut entendre parler des vraies affaires. Les bras de bras. Et pour entendre parler des vraies affaires, on accueille Samuel Girard et sa chronique sur l'actualité. Samuel Girard, bonjour à toi. Hey, hello. Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est tôt le matin. Là. C'est trop tôt. Trop tôt le matin. J'ai l'impression que je dors encore. Mais il fait soleil au moins. Oui, il fait froid. Oui, absolument. C'est ouais, très froid. C'est en tout cas. C'est surprenant autant de soleil pour aussi peu de chaleur. Ouais, c'est, ouais. On c'est tourne ça. En rond pour dire absolument rien. Là, on veut parler d'actualité, on veut parler de choses qui se passent dans le, je te dirais, le Québec la plupart du temps avec toi. Oui. Absolument. Oui, oui. Donc, de quoi est-ce qu'on discute aujourd'hui ensemble? Trois sujets. Ouais, je me gâte à matin. C'est plus que c'est deux. Ça a même été un quelques fois. C'est vrai. Le premier point que je vais aborder, c'est un texte dans le Journal de Montréal qui s'intitule « Les chasseurs fiscaux ». OK. OK, qu'est-ce qu'un chasseur fiscal? Ben, c'est quelqu'un qui a comme rôle de récolter de l'argent et on appelle ça des taxes déguisées. Exemple, pogner une étiquette. OK, oui. Mm-hmm. C'est considéré comme une... Donc, la personne qui donne l'étiquette est considérée comme un chasseur fiscal. Okay. Donc, on peut embarquer tout ce qui tourne autour de ça. Fait que des gens qui ont le don de percevoir certains montants d'argent auprès des gens. Et est-ce que c'est parce que, qu'ils vont donner des contraventions même si c'est pas nécessairement mérité pour remplir leur quota ou est-ce que c'est pour ça qu'on en parle? C'est vers ça que je m'en vais. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, des agents de stationnement, les photos radars. Et on peut y aller aussi sur les gens qui font des vérifications auprès de tes taxes et impôts, voir si tu as bien fait ça. Ils peuvent t'envoyer des constats d'infraction s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Bon, ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. On veut, souvent même, on veut pas faire payer les gens fautifs. Quelqu'un fait une connerie, c'est un peu normal que tu payes pour. OK? Jusque-là, ça se tient. Ouais. Le point que tu as amené est intéressant. OK? Jusque où est-ce qu'on peut aller pour donner des contraventions ou des infractions à quelqu'un? OK? Il y a certains cas, puis ça, c'est un peu drôle à dire, mais je lis beaucoup de situations du genre des gens qui reçoivent des constats d'infraction pour une raison X, qui disent qu'ils n'ont rien fait, mais on sait très bien que qu'est-ce que ça coûte pour aller contester cette décision-là. Ouais. Souvent, t'es tout simplement juste payé puis de rien faire. Mm-hmm. OK? Ils comptent là-dessus, en fait, j'imagine. Ben moi, c'est ce que je pense. Ouais. OK? Mais c'est drôle parce qu'il y a, exemple, il y a quelqu'un qui disait « Ah, ça fait trois fois que ça m'arrive des histoires avec Revenu Québec qui reçoit un merveilleux montant pour une infraction alors qu'il disait « Non, je suis tout en règle. » Mais il sait qu'il va devoir manquer une journée de travail pour aller contester. Et sa journée de travail qui va manquer, donc un salaire d'une journée, ça vaut pas la peine. Donc, il fait juste payer puis c'est tout. C'est drôle, il y en a beaucoup qui parlent d'histoire de même, mais en même temps, je me dis « Ouais, mais c'est drôle, moi, ça m'arrive jamais. » Quelqu'un qui chiale « Ouais, c'est ça, je me fais tout à pogner sa route, là, ça fait trois contraventions ce mois-ci, puis j'ai rien fait. » Ouais, c'est drôle, ça fait 7 ans que je conduis, je me suis jamais fait arrêter. Donc, il y en a certains qui cherchent le trouble, mais il y a quelques cas isolés qui, effectivement, je pense que c'est vraiment du zèle. Ça a été démontré récemment qu'il y a des histoires de quotas. Ça a été démontré qu'il y a des quotas dans la police. Ça a été démontré qu'il y a des quotas chez Revenu Québec. Donc, est-ce qu'il y en a des fois que pour atteindre leur quota, vont se permettre... On gratte les fonds de tiroir. C'est peut-être. Ça, exactement. Là, hey, il manquerait un ou deux cas pour arriver dans mon quota. Je vais trouver quelque chose. Ça, c'est le côté plate dans l'histoire parce que oui, ça arrive et ça a été prouvé. J'ai aucune idée, mais je me demande si c'est pas une question d'inventer des choses, c'est plus une question de ressortir des choses qui normalement auraient pu être passées sous silence. Exactement. Moi, je pense que c'est plus ça. Parce que ça a quand même fait quelque chose de croche, probablement. Je pense plus qu'on va y aller avec la limite puis la permission qu'en temps normal, on accorderait. Les zones grises un peu, peut-être. C'est ça. Exemple, quand tu dis que la limite est de 50, mais que tout le monde roule 60 puis qu'il n'y a jamais personne qui se fait arrêter à 60, mais si tu roules 62, ça se peut que tu te fasses pogner là. Mais tu sais, en théorie, la loi est de 50. J'ai déjà vu des gens se faire arrêter à 58. C'est ça, parce qu'en tant que tel, les gens disent tout le temps, ils t'arrêteront jamais pour 10 exact. De différence, mais ils peuvent, ils ont le droit. Oui, ils ont le droit, en théorie, la loi. Ils vont pas le faire pour être gentils, mais s'ils ont besoin de remplir leur quota, peut-être que c'est par là que tu vas regarder. Dans le code de la route, c'est pas marqué, t'as le droit de rouler entre 50 et 60. Non, c'est ça. C'est maximum 50. Ouais. Ça pourrait être discutable dans certains cas. Ouais, c'est ça. J'ai toujours trouvé ça stupide que, exemple sur le boulevard des Forges, quand on est dans le coin des rivières, ce soit 50, puis que dans un petit quartier près d'une école où il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans les rues, que ce soit 50 aussi. Ouais. C'est toujours des choses que j'ai faites. Ça fait pas de sens. Je pense que ça dépend aussi de où ils sont situés. C'est cas par cas, là, surtout. Mais je sais qu'il y a des écoles qui sont situées sur des boulevards quand même, puis qui sont situées sur des rues très, très passantes. Donc, de ce côté-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, je sais pas vraiment si tu peux diminuer la vitesse de beaucoup de ce côté-là. Oui, ça peut réduire à 30. Ouais, je pense surtout au cas de la Madeleine, là, où il y a une école, je pense que c'est Val-Mauricie, que c'est 50 devant, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui passe par là. Est-ce que tu peux réduire pendant des cases horaires? Est-ce que tu peux dire, bon, en telle heure et telle heure, c'est plus lent? Oui, toutes les zones scolaires, c'est du lundi au vendredi de 8 à 5. OK. Donc, tu passes là à 5h05, tu peux rouler à 50. Oui. Donc, c'est déjà fait comme ça. Ouais. Mais comme tu dis, il y a des points des fois que c'est pas très clair. Les photos radars, y en a beaucoup qui se questionnent là-dessus parce que qu'est-ce que les gens voudraient? Les gens ne sont pas contre les photoradars, OK? Souvent, les photoradars, le problème, c'est qu'on va les placer près de pièges à tickets. OK. Au lieu de mettre un photoradar dans une zone scolaire, dans un coin où il y a beaucoup de gens qui circulent, près de passages piétonniers, non, on va mettre ça, on va le mettre, exemple, à un changement de limite de vitesse. Ah, on va mettre ça à la fin quand tu descends une côte. T'sais, des places vraiment haïssables. Donc, on s'en sert pas pour protéger le citoyen. Même chose, les policiers. Il y a déjà un policier que j'avais lu en entrevue dans le journal, puis j'avais trouvé ça excellent. Lui, il disait, Je suis policier, je suis censé me charger de la sécurité publique. Il dit, j'aimerais tellement ça aller me placer à la vue de tout le monde au coin d'une rue passante, près d'une école où il y a plein de jeunes qui traversent pour que les gens ralentissent. Mais non, à la place, je dois aller me placer à la sortie d'un tunnel où les gens roulent en 65-70 puis donner plein de tickets. Puis il dit, pendant ce temps-là, il dit, il y en a plein qui passent ces jaunes, les rouges serrés, ça fait des virages à droite quand c'est pas trop supposé, puis t'as des jeunes qui traversent. Ouais. Mais il dit non, il dit, j'aimerais ça aller me placer à vue là, puis tout le monde ralentirait, tout le monde ferait attention, je donnerais pas de ticket, mais tout le monde serait en sécurité. Mmh. Il dit non, c'est pas de même que ça marche. C'est pas lui qui prend la décision, il y a des comptes à rendre lui aussi. C'est ça. Le texte amène quelque chose d'intéressant. Il disait, je vais se retrouver. OK, on a des agents de stationnement qui ont le droit de donner des contraventions. On en a un à l'UQTR, près du cégep aussi, il y a quelqu'un qui se promène dans les rues et qui donne des contraventions. Donc ces personnes-là peuvent donner des tickets. Un policier, ils disent qu'il peut gagner jusqu'à 100 000 $. Ils sont deux par auto et ils doivent donner des contraventions. La personne dit, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de pouvoir, exemple, à des agents de stationnement ou des gens qui ont un peu le rôle de sécurité routière ou ces choses-là, qui touchent environ une moyenne de 45 000 $, qui sont seuls. Il dit que ça serait des économies de 100 millions par année pour le gouvernement. Bon, jusque-là, c'est une définition de rôle. C'est quoi le rôle que tu as dans la société? Donc là, il faut aller jouer là-dessus. Reste quand même, la suggestion est bonne. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les policiers au niveau sécurité? OK? De mettre plus d'effectifs pour justement combattre les crimes, s'assurer que les gens soient en sécurité et d'avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'aspect contravention. Au lieu d'avoir les policiers, que je crois que c'est 60% de leur temps pour la sécurité routière, si on veut. Non, excusez, 40%. 60% du temps, après ça, c'est pour le reste de leur tâche. Oui, mais là, attends, c'est parce qu'il faut prendre en considération que si t'es dans une ville autre que Montréal, il n'y a pas 1500 appels de meurtre par jour, là. Donc, il y a trop de policiers. Ben non, parce que... Ben pas nécessairement, parce qu'en théorie, même s'ils s'occupent des contraventions ou quoi que ce soit, c'est une sécurité publique. Mais comme je te dis, quelqu'un qui s'occupe de sécurité, exemple, qui reste placé près d'une école, dans des coins passés, tout ça, je dirais OK. Mais quand je vois trois fois par semaine des policiers près de chez moi qui se placent, j'ai deux stops à trois. Trois stops, mettons. Bon, ouais. Ben il y a tout le temps deux policiers qui se placent là pour pogner les gens qui font des stops similaires américains. Ouais. Ça, c'est pas de la sécurité routière. Bien, ça dépend, parce que si le gars, il fait son simili-stop américain, puis que l'autre, en théorie, il pense qu'il va le faire au complet, puis qu'il passe, ben il rentre dedans. Oui. Ça reste en partie de la sécurité routière. Oui. Moi, de mon point de vue, là, écoute, tu sais, l'exemple... Si tout le monde ferait leur stop de façon normale, comme c'est écrit et comme, en théorie, tu es censé le faire, ben il n'y en aurait pas d'accident. À ce coin-là. Ben il n'y a jamais d'accident à ce coin-là. Mais si quelqu'un fait un stop, comme tu dis, similé américain, puis qu'il passe, et que l'autre prend en considération que lui va faire son stop de façon normale, mais automatiquement, ça fait en sorte que oui, ça se peut qu'il y ait un accident. Mais en passant, c'est deux quoi où il y a quasiment personne qui tourne. C'est surtout, des places pour conduire tout droit. Mmh. Donc, okay. Ça arrive régulièrement que moi, je fais mon stop, puis que l'autre fait juste continuer tout droit, il s'en fout. Ouais. OK. Mais je veux dire, à quelque part, OK, il a fait son stop, mais il tournait pas. Là. Peut-être que ce stop spécifiquement-là est fait pour donner des tickets, mais en tant que tel, ça reste la sécurité routière. Mais ouais. Non, mais c'est ça. C'est fait pour faire ralentir les gens. Moi, quelqu'un qui fait un stop américain, qui regarde, puis qu'il n'y a personne, puis qu'il repart tout de suite, à la limite, il a ralenti. Donc, l'arrêt obligatoire a quand même rempli son rôle, que ce soit pas quelqu'un qui clenche ce segment-là. Ça fait ralentir les gens. Mais de là à venir placer des policiers plusieurs fois par semaine là, alors qu'il y a plein de places où ils seraient sûrement plus utiles, moi, d'un point de vue, je dis, OK, à la limite, ça peut-être être dérangeant un peu. Et est-ce que c'est seulement pour remplir les coffres de la ville? Mais en même temps aussi, je sais pas, là, peut-être que ce coin-là est situé proche de places où il se passe quelque chose. Peut-être que les policiers sont à ces coins-là pour que s'il y a un appel pour violence conjugale ou peu importe, soit dans le coin quand même. Peut-être que tu es distribué dans la ville. Ça, c'est un très bon point que tu amènes. Puis effectivement, ça pourrait être ça, que lui, il est juste, il patrouille le secteur. Ouais, c'est ça. Il se positionne là, puis il est prêt à recevoir des appels. Puis c'est juste tant qu'à attendre. aussi bien faire de l'argent pour la police. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, ça, ça peut être un très bon point. Ouais. Je dis à la limite, ils pourraient aller se placer ailleurs dans le quartier. Il y a sûrement des coins de rue qui seraient plus. Ils peuvent varier peut-être un petit peu. C'est ça. Mais en tout cas, mais reste ça, c'est un très bon point que tu amènes là. Mais ça reste sûrement que c'est un bon spot pour faire un petit peu de cash pareil. Là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Puis en tant que tellement, tu sais. Mais c'est ça. Mais bref, je trouvais l'article intéressant. Donc, à quelque part, chasseurs fiscaux. Ouais. Donc, des gens qui ont pour but de remplir les coffres. Donc, comme on remarque, ça amène plusieurs questions. Comme je dis, dans certains cas, quelque part, fais ce que t'as à faire, tu te feras jamais pogner par la police, tu te feras pas pogner par les photos radars, tu te feras pas pogner par Revenu Québec. Ouais, c'est ça, exact. Quelqu'un qui est fautif, ben gars, paye, c'est tout. Ouais. Mais en même temps, vous en avez parlé, il y a une zone grise. Mm-hmm. C'est toujours là-dessus qu'il faudrait peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y aura à faire. Puis il y a aussi toute la question un peu d'économie d'argent que je trouve intéressante qui est amenée dans cet article-là. Absolument. Donc, c'est ça. Prochain point, c'est... la Coalition Avenir Québec qui dénonce quelque chose de très, très intéressant, c'est une taxe déguisée par le gouvernement du Québec. OK? On est chanceux, ça ne nous touchera pas dans notre coin, mais ça va toucher les gens de Montréal et les alentours. Oui. OK? Donc, si vous voyez votre montant de taxe augmenter, OK? Eh bien, sachez que c'est parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, vraiment par en dessous. Et c'est pour que la ville puisse prendre 45 $ aux gens, environ. C'est ce que la Coalition des Québec estime. Et ça va servir pour le transport en commun. OK? Donc, on a passé ça vraiment par en dessous. C'est subtil. Les gens vont voir leur compte de taxes augmenter, exemple, puis ils sauront pas pourquoi. Mais la raison, ça va être là. Donc, c'est fait vraiment dans la discrétion. On va espérer que les gens ne se posent pas de questions, qu'ils se demandent pas pourquoi ils ont un montant supplémentaire à débourser. Et surtout, ils ne demanderont pas à quoi qui va servir le montant. Ben justement, on veut savoir à quoi il va servir. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour le métro, c'est pour les autobus. Mmh. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est 45 $ par automobile. Ouais. Donc, tu conduis un auto... Ben, paye aussi le transport en commun. Et si ta copine ou peu importe, si vous avez deux voitures dans une maison, c'est deux fois le montant. C'est deux fois le montant. Okay. C'est en plein ça. Donc, au lieu d'y aller avec utilisateur-payeur, on va essayer d'aller siphonner de l'argent aux gens qui n'ont pas besoin de ce service-là. Mais en même temps, est-ce que tout le monde a besoin de taxes scolaires? Non plus. Tout le monde paye pour ça aussi. J'ai toujours été contre les taxes scolaires. Okay. Comme je suis contre aussi la taxe santé. Mais ouais. C'est pas parce que tu l'utilises pas nécessairement que... Ouais, c'est ça, parce que le jour où tu vas arriver puis que tu vas l'utiliser, ben, tu vas être content que le service soit là, mais ce service-là, il a besoin d'entretien, il a besoin de ça. Je suis pas totalement contre l'idée de faire ça. De l'avoir caché, c'est peut-être pas super intelligent de leur part. Par contre, de demander 45 $ par année... au nombre de fois que tu peux prendre le métro c'est par jour. C'est moins cher que la carte de bus par mois de la STM. Hey, la STM, là, par mois, pour utiliser ton métro comme tu veux, c'est 70 $ par mois. Ouais. Là, ce qu'on te demande, c'est moins cher que ça par année. Je vais apporter une nuance, parce que votre point est quand même très, très bon. Oui, le montant est faible. Le problème, c'est le fait que ce soit un montant caché. Sachez que les taxes et impôts que vous payez servent déjà à financer énormément... le transport en commun. Moi, c'est qu'on vient rajouter par-dessus ça en plus un autre 45 $. Moi, quelque part, je me dis, si tu as de la misère à gérer ton service, c'est pas en allant plus taxer les gens que tu vas améliorer les choses. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le service que tu offres en premier. Ouais. C'est surtout ça, mon point. Parce que les gens le financent déjà, qu'ils l'utilisent ou non. OK? On perçoit un montant sur ma paye à chaque paye qui rentre. Il y a une partie qui s'en va pour la STTR ici à Trois-Rivières. Mmh. Okay? Oui, à Trois-Rivières, mais là-bas, à Montréal, tu sais, le 45 $, il est juste pour les gens de Montréal et les environs, oui. Dont le train de banlieue, oui. Dont le métro, autobus. Dont les autobus. Donc, de ce côté-là, que ce soit perçu pour ces gens-là, moi, je suis pas totalement... Mais je veux savoir, moi, mettons, tu me dis que c'est un montant caché. Oui. Caché dans quel sens? Parce que est-ce que tout est dit? Comment est-ce que tu fais pour savoir? Caché dans le sens que les gens ne sauront pas que c'est ce montant-là qui a été ajouté et à quoi il sert. Mais est-ce qu'ils savent à quoi servent les autres montants? Est-ce qu'il y a une feuille qui dit... C'est un petit peu comme à la GQTR. Pas dit clair comme ça, ouais. Sauf que c'est des choses qu'on sait déjà depuis longtemps. C'est juste que là, au lieu de dire clairement, les libéraux, au lieu de dire clairement, ben, on va rajouter un montant de 45$ par automobile sur votre prochain compte de taxes. Ouais. Et bien, à la place, on le dit pas, on dit pas pourquoi, puis les gens vont avoir la surprise d'envoyer leur compte de taxes. C'est surtout ça que j'aime pas. Ouais, je comprends, mais là, c'est sorti partout, donc en théorie, ils n'auront pas le choix de le dire. Oui, parce que la Coalition Avenir Québec a fait un travail d'enquête et a sorti l'information. Mais pour le reste des affaires que les gens paient, ça a été su comment? Parce que ça fait longtemps que c'est là? C'est ça. C'est parce que ça fait longtemps que c'est là, mais sûrement... Le temps, ça va devenir connu. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est toujours sur le coup que je me dis qu'il y a un manque de transparence. Peut-être, mais en tant que tel, je me demande qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux. Est-ce que tu veux qu'il envoie un courriel à tout le monde à chaque affaire qui change? Mettons. Qu'ils le disent dans les médias? Ben là, c'est comme fait, parce que tu l'as pris sur le Journal de Montréal. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est la Coalition des Québec qui l'a sorti, c'est pas les libéraux. Les libéraux, elles l'ont juste fait passer ça. Est-ce que c'est sorti dans les journaux parce que ça n'avait pas encore été annoncé? Ou c'est sorti dans les journaux parce que, justement, comme tu dis, ça a été passé sous silence? Parce qu'en théorie, présentement, il n'y a pas personne qui paye ces 45$-là. Non, c'est un projet d'avenir. Donc, est-ce qu'ils attendaient tout simplement le moment opportun pour apporter cette nouvelle-là, puis Coalition Avenir Québec l'a su d'avance? Ça se peut très bien. C'est pas impossible. Mais ce que je trouve difficile, mettons que je suis le parti libéral. Oui. Puis il me semble qu'aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qui passe, il faudrait que j'appelle les médias, genre... Radio-Canada, c'est parce que je voulais qu'on dise aux gens il va y avoir 45$ de plus sur leur facture. OK, merci, bye! Oui. Ça me semble c'est bizarre. Je comprends pas comment ils feraient ça. C'est pas plus le journaliste d'aller demander s'il y a quelque chose de nouveau? Ben non, pas nécessairement. Nombre de fois que les gouvernements font couler de l'information volontairement pour que ça se rende dans les médias, c'est pas toujours aux journalistes de courir après la nouvelle. Oui. Et je trouve que c'est une belle façon de se servir des médias pour envoyer ton message à la population et informer les gens. Ouais. Pour peut-être virer ça de façon positive. Mais là, c'est sûr. C'est sûr. Vous allez payer 45$ de plus, mais pour telle et telle affaire de plus ou tel service ou tel... C'est ça. Parce que là, actuellement, c'est la Coalition Avenir Québec qui profite de la situation. Ils ont contacté les médias, ils ont sorti l'information. Si les libéraux l'avaient fait, ils auraient pu tourner ça à leur avantage, expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en a, justifier pourquoi ils ont fait ça. Mm-hmm. Mais non, à la place, c'est la Coalition Avenir Québec qui est en train de se servir de cette nouvelle-là pour faire du capital politique. Ouais. Ben, ça sert en fait à Coalition Avenir Québec. Oui. Parce que c'est eux qui ont maintenant le beau côté de la médaille. Mais comme je te disais, on veut pas taxer les gens plus. C'est ça, mais comme je te disais, si la sortie médiatique est sortie avant le temps que le Parti libéral voulait l'annoncer, ben c'est sûr que eux ont l'air des méchants parce que dans leur plan d'action, c'était pas encore annoncé. Mais comme je te dis, si la Coalition de Québec l'a su, on s'entend, c'est parce qu'il y avait assez d'informations et que tout devait être en place. Tu peux pas avoir pogné une discussion de corridor puis dire on fait une nouvelle avec ça. Ben, il y en a pas mal qui le font. Ouais, bon point. Et très rapidement, pour les 3 minutes que je peux encore passer avec vous autres, j'ai pris l'habitude de vous amener toujours un petit article. On aime ça, ben, tant mieux. Qu'est-ce que vous penseriez, vous autres, d'un plâtre imprimé en 3D? Ah. Oh. Ils sont pas déjà en 3D, les plâtres? Non, franchement. Mais en plastique. Avec impression 3D. OK. Franchement. Ben là. On va te poser un plâtre 2D. Ouais, c'est ça. Ça serait cœur, hein? Donc, c'est un étudiant qui a imaginé le concept. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a réussi à imprimer un plâtre, mais un plâtre qui respire. Ah! OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait, juste pour vous faire une histoire courte? Il y a façon d'optimiser en ingénierie. Donc, on dessine une pièce, on vérifie c'est quoi les sollicitations dont on a besoin et on regarde quelle partie de la pièce travaille. OK. OK? Quelle partie de la pièce qui est sollicitée? Ce qui est sollicité, c'est là où tu dois garder de la matière. Ce qui n'est pas sollicité, tu peux enlever de la matière. Okay. Et il y a moyen d'utiliser un programme informatique pour faire rouler ça. Et qu'est-ce que le logiciel fait? C'est qu'il enlève de la matière aux endroits où on n'a pas de besoin. Et il vérifie, parce que là, mais évidemment, si tu enlèves de la matière, le travail va plus se concentrer là où il y a de la matière. Mm-hmm. Donc là, les endroits où ça travaillait, ben là, ils travaillent un peu plus. Mm-hmm. Okay? Et tu peux faire ça jusqu'à temps que tu augmentes à ta valeur critique. Okay? De la zone où il y a des matériaux. Et un coup que c'est fait, ben là, tu te ramasses avec une pièce qui a des trous. Mm-hmm. OK? Donc, tu viens de faire une pièce qui utilise moins de matière. Donc, c'est plus écologique, c'est moins coûteux. Et ça, les gens aiment ça. Tout le monde gagne, oui. Mais est-ce que c'est aussi fort? Oui. Okay. Oui, tes tests, tu okay. le fais de manière à ce que ta pièce puisse toujours remplir son rôle. Mm. Okay. Donc, on sait d'avance, elle a besoin de est-ce que ça a besoin d'être fort comment, ça a besoin de résister à quoi, mm-hmm. et on s'arrange pour maintenir cette limite-là. C'est que là, actuellement, on a des pièces qui sont trop fortes. On prend l'exemple, la table ici, si je m'accote dessus, OK, il y a beaucoup de place sur la table où ça travaille pas. Oui. On pourrait enlever plein de morceaux de la table. Où okay? Les gens mettent jamais leurs bras parce que c'est dans le milieu. C'est exactement. Coin, je pourrais m'accoter et la table tiendra encore. C'est comme les boîtes de DVD où il y a des trous dedans, comme c'est un fromage suisse. T'en plein ça. T'as pas besoin d'avoir du soutien là. Exact. Ouais. Là, on sauve du plastique. Ben oui. Donc, c'est tout ce principe-là qu'on applique. Et là, on obtient un plâtre, exemple, qui va avoir plus de matière au niveau du poignet pour tout soutenir. Et la partie plus avant-bras, mais là, les trous vont être beaucoup plus grave parce que tu as moins besoin de matière pour soutenir. Ça n'a rien à tenir, ton bras il tient déjà. Exactement. Ouais, okay. Par contre, près du poignet, près de la main, là, il y a beaucoup plus de matière, donc les trous sont beaucoup plus petits. Ouais. Okay. Donc, c'est de même que ça fonctionne. Donc, c'est un plâtre qui respire, mais qui remplit encore son rôle d'immobiliser, de soutenir le bras. Tu peux te gratter quand même. Exactement. Tu imagines que tu peux te laver? Ben, c'est sûr que oui, parce que là, c'est pas plâtre. Oui, c'est plastique. Ouais. Exact. Donc, c'est ça. Par contre, ça ne fait pas l'unanimité. Okay. Les gens disent que le plâtre a des propriétés de plus que ce plâtre-là n'aura pas. Plâtre en plastique, là, on s'entend? Oui. Le terme est un peu étrange quand on dit qu'avant, c'était du plâtre en plâtre. Là, maintenant, c'est des plâtres en d'autres choses. un soutien, quelque chose de bras. Ben, c'est ça. donc, c'est ça. Donc, là, la partie médicale, c'est pas moi qui va vous l'expliquer, mais sachez que le plâtre en plastique ne fait quand même pas l'unanimité. Okay. Oui, j'imagine que pour certains médecins, ça devient difficile à gérer selon la blessure. Ben c'est ça, exactement. On s'entend. Là, si t'as eu une blessure ouverte, là, peut-être que ça prend quelque chose pour couvrir vraiment comme du monde. Ouais, là. Mais tu sais, en tant que tel, c'est pas parce que t'as des plâtres en plastique comme option que ça enlève complètement l'utilisation du plâtre en plâtre. Ben c'est ça, c'est en plein ça. Maintenant, l'autre partie qui était intéressante, c'était le temps que ça prenait. Là, ça, c'est le côté un peu plate. C'est ce qui fait en sorte qu'actuellement, on se dirige pas vers ça nécessairement. Mais ça prend 72 heures pour l'imprimer. Ah ouais. Alors que le plâtre, tu peux le mettre autour de ton bras. Puis je m'excuse pour le processus total. Okay. 3 heures pour imprimer. Après ça, il faut laisser refroidir plusieurs heures. Ouais. Donc, c'est 72 heures au total pour installer le plâtre à quelqu'un. Quand tu as le bras cassé là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Pas 3 jours plus tard. Ouais. Donc là, il faut encore de l'amélioration technologique. C'est le seul défaut à date du prototype. Ouais, mais il faut bien commencer quelque part. Exactement. Hein? Ouais. Regarde, c'est en place, ça a été fait. Et ça fonctionne. Et améliorons encore avec le temps. Exactement. Ah, c'est ça l'avancée technologique. Il faut laisser le temps aux choses de se faire. Bon. Oui. Hein, un jour, tu auras un tampon à imprimer en 3D. C'est incroyable. Incroyable. La face de Tony était priceless. Oui, bon, peut-être pas. Je doute. Arrête donc. Donc, Samuel Girard, excellent petit sujet en plus d'ingénierie pour conclure Merci ta beaucoup. Chronique, comme à chaque semaine. Et on te retrouve lundi prochain. À 8h30 pour notre chronique. Et évidemment, à Génial Liberté, les jeudis matins à 9h30. Oui, oui, certainement. Génial. Et ça repasse les samedis matins à 10h. Samuel Girard, merci beaucoup. Ah, on prend une pause et au retour, il nous reste la chronique de Tania. Ooh. It's gonna be Génial. Restez là. Visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce lundi 22 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques minutes, justement, Tania va nous divertir dans sa chronique quotidienne. Mais avant ça, voici « Danse avec les genoux ». Oh, il danse avec les genoux. Hidalgue, demi-serpent. Ça, c'est fou. 89 ans. Ah, oh, oh, oh. Ah. Dragon Idag avec demi-serpent, assemblage requis. Maintenant, Tania, c'est à ton tour. Ça ressemble à ça. Oui, c'est à toi. C'est à toi de nous parler. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Je frappe la tête. Ouais, hein, j'ai vu ça. Ouais, ouh! J'ai jamais frappé sa table de ma vie, mais depuis quelques semaines, j'arrête pas de frapper sa table sans faire par exprès. Oui. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, ça rajoute de la musique dans nos oreilles. Ah! Donc, Tania Baudin, aujourd'hui, on parle de sommeil, ou en fait, t'as dit qu'on parlerait de sommeil par la bande un peu, je pense. Oui, oui, oui, on parle de sommeil, mais surtout d'épuisement. En fait, je vais vous parler des 6 signes qui vous montrent, qui vous démontrent, en fait, que vous pouvez être plus que simplement fatigué. Parce que bien souvent, ce qu'on va faire, c'est dire « Ah ben, je suis juste fatigué, là. » Oui, ça va passer. Ouais, ça va passer, je vais dormir à soir, je vais être correct, blablabla. Mais sachez que c'est très important de savoir la différence entre être fatigué et être épuisé, parce que d'être épuisé, ça peut amener à beaucoup de problèmes et surtout ça peut devenir dangereux, tout simplement. Ah, oui. Dire ça comme ça, oui, parce que bien évidemment, être épuisé, ça peut devenir dangereux pour notre santé, notre corps, notre santé, mais aussi pour ce qui peut se passer à l'extérieur, les gens autour de nous, tout ça. Donc, il faut faire attention, savoir les limites de la fatigue et où commence l'épuisement, surtout pour savoir corriger ça. Okay. Est-ce qu'on on fait le comptage des points pour voir qui gagne à la fin? On peut faire ça, on peut très bien faire ça si tu veux. C'est un article en fait que j'ai trouvé sur dailyburn.com, qui est un site qui parle de santé, de maintien de soi, puis beaucoup de, comme je disais, de santé mentale. Donc, si jamais vous voulez, c'est un article qui est en anglais, mais j'irai le mettre sur la page Facebook d'Assemblage requis. T'es bien fine. Donc, le premier signe que je pourrais vous dire, qui pourrait démontrer que vous commencez à être épuisé beaucoup plus que simplement fatigué, c'est d'avoir les lèvres sèches. Colin, OK. Donc, bien souvent, vos lèvres vont être soit craquées, votre peau va être écaillée, vous allez voir que votre peau va être sèche elle aussi, vous allez peut-être avoir... des fois, quand on a la peau très, très, très sèche, on est comme blanc un petit peu. C'est parce que notre peau s'écaille rapidement. Mais là, on parle ailleurs que l'hiver où c'est déjà sec et ta peau écaille déjà. C'est qu'il faut savoir aussi que oui, la plupart du temps, où les gens vont être très, très fatigués, c'est dans le même temps que ça se peut que ça soit très, très froid. Ouais. Par contre, sachez que si vous avez toujours des mal de tête qui sont quand même assez fréquents, c'est peut-être parce que vous êtes déshydraté. Et là, ça, c'est un signe vraiment d'épuisement. C'est l'épuisement par la déshydratation. Okay. C'est quelque chose de dire que oui, vous avez les lèvres sèches, mais tu sais, quand il fait moins 30 dehors, c'est normal. C'est un petit peu normal. Par contre, si vos lèvres sont sèches, votre peau est sèche, que vous avez mal à la tête et que vous voyez que vous avez toujours soif, vous voyez que vous iriez toujours boire de l'eau ou boire quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est exactement, ça peut être du café, du thé ou je parle de café parce que nous, on boit beaucoup de café, là. Mais si jamais vous ressentez toujours ce besoin-là de vous hydrater, bien, sachez que ça se peut que vous soyez épuisé par la déshydratation. OK, bon, fait que je pense, en tout cas, moi, il me semble que je bois beaucoup de ces temps-ci, un point. Oui. Il y a un des médecins qui fait partie de l'article en question qui s'appelle Michael G. Brose, qui est un médecin spécialisé dans justement les problèmes chroniques du sommeil. Et lui dit que c'est quand même assez important de s'hydrater tout le temps. Il y a différentes façons de s'hydrater. C'est facile à rechercher sur Internet si jamais ça vous intéresse. Mais sachez que une des choses que lui dit pour savoir que vous êtes bien hydraté, c'est lorsque votre urine commence à être claire. Ah! C'est que là, vous savez que vous avez assez d'hydratation en dedans de vous. C'est un bon signe. Oui, c'est ça. Okay. C'est un bon signe. Si vous voyez que, exemple, votre urine est trop foncée, c'est que vous êtes très déshydraté. Ah. Si votre urine commence à être claire, c'est que là, vous commencez à être justement plus hydraté. Donc, ça pourrait aider aussi votre sommeil et la façon dont vous vous sentez. OK, fait que je vais retenir ça. Clair, c'est clair. cool. Clair, c'est clair. Clair, c'est cool. C'est ça. Parfait. Exactement. Cool. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est quand même assez impossible de garder votre niveau d'énergie constant par rapport à l'hydratation parce que ça change toujours. Ça va changer grâce au climat. Il y a des endroits, peut-être, où vous travaillez, c'est un climat très, très sec déjà en partant. Ouais. Donc, vous allez devoir vous hydrater un petit peu plus. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête que le niveau d'hydratation va toujours différer. Là, et ça joue sur votre énergie. Hein. Essayez pas de doser votre eau pour essayer d'avoir un petit pipi, genre qui est 1 non, sur 10 non, de clarté. Non. Ouais, non, pour essayer d'être le petit jaune que t'aimes bien. Un jaune transparent. Non, non. Faites pas des tests de pipi, là, quand même, s'il vous plaît. Le deuxième signe que vous pouvez commencer à être très, très épuisé, simplement, l'esprit flou. Avoir l'esprit flou. Quand on dit que la durée de sommeil est découpée en plusieurs cycles, il y a un cycle qu'on appelle la durée du sommeil de 90 minutes. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le rapid eye movement, mm-hmm. c'est-à-dire quand vous êtes quand même dans un sommeil très profond. Il faut savoir que quand ce sommeil-là est dérangé, que ce soit par une alarme de téléphone, que ce soit par, je sais pas moi, un mauvais rêve ou... Un coup de coude de quelqu'un si vous dormez pas seul dans votre lit, ouais. Ça va jouer beaucoup sur le lendemain, mais simplement une journée peut jouer sur une semaine. Hein? OK, c'est ça, oui. Pas ça. Ah, oui. Une nuit de mauvais sommeil peut jouer sur votre humeur pendant une semaine de temps. Hmm. Ça, c'est sans compter les syndromes prémenstruels, mesdames. Non, ça... Je ris, là, mais il faut savoir que si justement notre sommeil est un petit peu choqué, bien, ça va pas non seulement jouer sur votre lendemain au travail ou à l'école ou peu importe, ça peut jouer jusqu'à une semaine. Donc, faites attention de ce côté-là. Je sais pas moi, peut-être minimiser le volume de votre téléphone si jamais vous dormez avec le téléphone oui. ouvert ou tout simplement aller dormir sur le sofa si vous recevez des coups. C'est une option. Ouais, c'est quand c'est difficile, là, mais pour vrai, pour le téléphone, il n'y a aucune raison d'avoir votre téléphone à pleine sonnerie la nuit. Exactement. Il y a des horaires sur vos téléphones pour que vous disiez, genre, entre 10h le soir et 7h le matin, mm-hmm. je vais être sur vibration. Vous n'avez même pas à le faire vous-même. Mm-hmm. Fait que profitez de la technologie qui fait tout pour vous. C'est pour ça qu'on appelle ça un téléphone intelligent. C'est intelligent. Fait que, laissez l'intelligence au téléphone, puis vous faites autre oui. chose. Mais oui. Il n'y a aucune raison de se faire réveiller par ton téléphone la nuit. Aucune. Mm-hmm. On parle d'esprit flou, donc l'esprit, automatiquement, on va penser cerveau. Ouais. Il faut savoir que tout ce qui est connaissance, de bonne connaissance, ça dépend du sommeil que votre cerveau a reçu. Donc, entre autres choses, le corps utilise le sommeil pour stabiliser les déséquilibres chimiques, pour rafraîchir les ondes du cerveau qui, eux, contrôlent l'humeur, les connaissances, le comportement, les souvenirs et tout ce que vous avez fait pendant la journée. Ouais. Donc, de ce côté-là, si vous avez une nuit de sommeil qui est assez mouvementée, ça va faire en sorte que, oui, vous allez être un petit peu plus dur avec vos émotions le lendemain, mais c'est surtout que vous allez voir, votre cerveau va être flou. Quand on dit l'esprit flou, ouais. c'est vraiment, vous allez vous rendre compte que toutes ces espèces de zones-là du cerveau qui sont demandées vont être comme toutes chamboulées. Donc, de ce côté-là, quand vous voyez que vous avez l'humeur un petit peu... Est-ce que tu penses que je peux blâmer ma mauvaise performance, c'est un fait tantôt, sur mon mauvais sommeil la fin de semaine? Je peux faire ça? Tu pourrais. J'ai le droit? Cool, tu pourrais. Merci. Donc, ça va jouer, comme je l'ai dit, avec l'humeur. Votre comportement, si vous voyez vous-même que vous êtes fatigué le lendemain, déjà, ça vous donne une bonne indication. Les connaissances, hein, si vous connaissez le sujet dans lequel vous travaillez ou si vous connaissez, en théorie, l'étude que vous faites présentement, si jamais vous êtes en train d'étudier. Mais là, que vous voyez, là, ça rentre pas, oui. là. Puis vous êtes au travail, puis il y a des choses qui se passent pas comme il se passerait en temps normal, c'est que votre esprit est flou. Elle est brouillée à cause du manque de sommeil ou du sommeil mouvementé que vous aviez. Je vais prendre le deuxième point là-dessus. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Moi aussi. Le troisième point, c'est l'entraînement. Oh boy! Oui. en fait, l'entraînement qui n'est pas nécessairement comme d'habitude, en fait, dans l'article en anglais, c'est vraiment marqué « Your workouts have sucked ». OK. OK, donc c'est vraiment de réaliser que vous avez pas eu la même performance qu'en temps normal dans vos entraînements. Ça, évidemment, c'est pour les gens qui s'entraînent. Ben oui. Pour ceux qui s'entraînent pas, bien, sachez que si vous vous entraînez, ça peut améliorer votre sommeil et ça peut améliorer aussi, ça va diminuer le risque d'épuisement, tout simplement. Donc, je le disais, votre entraînement n'est pas comme à l'habitude au gym. Le cerveau mal reposé va empêcher votre corps de bien fonctionner physiquement. Donc, quand tu dis « je me sens fatigué », c'est parce que votre cerveau qui, lui, a mal dormi ou qui est épuisé, tout simplement, le fait ressentir à votre corps et le fait ressentir à vos muscles dans votre corps. Donc, de ce côté-là, si vous êtes du genre à vous entraîner, vous avez mal dormi la veille, ça se peut que votre entraînement soit beaucoup moins productif qu'à l'habitude. Ça se peut aussi qu'un des signes que vous allez vous rendre compte que vous êtes épuisé, c'est que vous avez tout simplement arrêté d'aller au gym. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, mais du moment qu'ils se sentent épuisés, qu'ils commencent à se sentir fatigués, bien là, ils vont commencer à skipper le gym, comme on dit. Donc, ils vont faire des sauts d'intervalle entre leurs entraînements. C'est-à-dire qu'exemple, ils vont à tous les jours, mais là, ils vont dire « bah, je vais y aller dans 2 jours, mettons. Je suis fatiguée. Je vais y aller dans 2 jours. » C'est parce qu'il faut savoir aussi que nos corps sont programmés pour trouver la meilleure façon de s'entraîner et d'être constamment à son plein pouvoir. Donc, notre cerveau à notre pleine capacité et nos muscles à leur pleine capacité aussi. Si tout ça est chamboulé, ça fait en sorte que nos corps sont tout simplement en demande de ça. Ils veulent être à leur pleine capacité, mais ils sont incapables à cause du sommeil, à cause de l'épuisement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vos entraînements vont être moins productifs qu'à l'habitude. Bon, je peux pas prendre le point sur celui-là. Non, hein? je me rendais compte que le 3, tu pouvais pas, mais... Ça pique moins un peu. C'est ça. Le point numéro 4, c'est le stress. OK. En fait, c'est le déni du stress. Oh. Oui, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes super stressé. Par contre, vous allez essayer de l'ignorer. Donc, vous allez essayer de dénier le fait que vous êtes stressé. De nier le fait que vous êtes stressé. Quand le cerveau pense trop, ça arrête pas de perturber. Ça va pas arrêter de perturber votre concentration. Vous allez le voir vous-même quand vous pensez simplement à quelque chose, vous allez tout le temps focusser là-dessus, vous allez focusser à savoir comment est-ce que vous allez vous arranger pour régler la situation, qu'est-ce que vous allez faire pour régler la situation, vous allez tout simplement penser à la situation, mais sachez qu'il y a eu une étude qui a été faite sur 2900 personnes, hommes et femmes, par rapport au stress dans leur vie. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que les gens qui justement pensaient à résoudre ces problèmes-là avaient un niveau de stress encore plus grand que les gens qui faisaient juste, comme exemple, trouver des techniques de respiration, des techniques de méditation. Donc, une des choses qui est très, très recommandée pour déstresser, c'est de respirer et de méditer. C'est une des choses aussi sur lesquelles Internet est très, très forte, c'est que si on demande comment déstresser, on devrait avoir beaucoup de réponses et plusieurs réponses diversifiées. Il va y avoir trop de réponses sur Google, il va falloir faire un petit tableau, là, puis là, ça va vous stresser. Ouais, c'est ça, ça va vous stresser. Là, telle source dit ça, mais là, on dit le contraire. Ben, sachez que si vous faites juste respirer déjà en partant, pas nécessairement penser à régler le problème. Là, je parle surtout au temps, lorsque vient le temps de se coucher. Oui. OK? Pas nécessairement dans la journée. Là, si vous avez un problème par rapport au travail, respirer puis régler le problème. Mais si vous arrivez à l'heure où vous vous couchez et que ça joue beaucoup trop dans votre tête, respirez tout simplement. Et bon, c'est sûr qu'il y a des exercices de respiration qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais essayez de ne pas penser à ce problème-là et à ne pas régler ce problème-là, ouais. Surtout. C'est là que ça va vraiment jouer sur l'état de votre esprit. Tout à fait. Le cinquième point. Tom, tom, tom, tom. C'est l'alimentation. Ah. Oui. Ouais. Vous allez vous rendre compte, lorsque vous êtes très fatigué, lorsque vous commencez à être épuisé, que votre alimentation va beaucoup changer. Vous allez vous rendre compte, peut-être aussi, que vous allez vous rendre plus souvent vers le côté de la malbouffe que le côté de la bonne bouffe. C'est pour ça ta chanson de Star Wars, je sais pas quoi. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. C'est exactement pour ça. C'est ce qu'en fait, il faut savoir que plus vous êtes fatigué, plus vous êtes épuisé, le corps va demander à avoir des gras qui sont très, très demandants. Et bon, là, je vais pas me lancer dans les définitions scientifiques de tout ça, mais ça demande des gras qui vont venir jouer un petit peu le rôle de ces fameux glucides-là, puis tout ça, pour pouvoir essayer de donner de l'énergie à votre corps. Par contre, malheureusement, c'est quelque chose qui est mal fait, c'est que automatiquement votre esprit va penser à la malbouffe. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, pourquoi est-ce que ça arrive? Mais en fait, c'est l'épuisement arrive avec un haut niveau de cortisol. Okay. Qu'est-ce que le cortisol? C'est l'hormone du stress. Mm. Donc, évidemment, vous vous rendez compte que si vous êtes stressé, ça ne va pas aider votre alimentation. Hein? Non. Puis, en fait, pour essayer de diminuer le niveau de cortisol qu'il y a dans votre corps lorsque vous êtes fatigué, c'est que votre cerveau va demander à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine? C'est l'hormone qui calme. Ouais. Donc, pour avoir de la sérotonine, votre corps va demander à avoir de la malbouffe. Mais... ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec cette bouffe-là, malbouffe en fait, c'est qu'il y a un haut, haut, haut degré de glycémie qui vient dans votre corps. Et là, à ce moment-là, plus votre niveau d'insuline va augmenter le niveau de dans le niveau de votre sang, plus ça va venir jouer avec votre cerveau. Là, vous allez vous rendre compte que vous êtes comme pas à l'habitude, vous allez être agité, ça va jouer sur votre humeur aussi. Donc, de ce côté-là, vraiment, il faut faire attention. Puis, ce que eux demandent, en fait, les médecins qui sont cités dans l'article, demandent tout simplement à y aller avec des fruits, des amandes. Je sais pas si tu te souviens, quand on était jeune au primaire, bien souvent, ils nous disaient que oui, le chocolat va nous donner cette espèce de boost-là, hein? Mais que les amandes allaient le faire plus longtemps et que c'était meilleur pour la santé. Mais c'est l'exemple parfait. Ouais. Pour dire que par la suite, après avoir mangé du chocolat, bien souvent, on va retomber à notre niveau de fatigue et peut-être même plus. Mais tu prends le petit mélange de noix avec du chocolat dedans, là. Ça donne oui. Le petit goût de chocolat tout en ayant les noix. Ça. Tu peux faire ça. Mais il faut savoir aussi que si vous y allez pour la malbouffe, pour l'espèce de junk food, comme on appelle, bien, ça va juste augmenter votre niveau d'épuisement par la suite. Parce que ça va pas rester dans votre système. Ça va être de l'énergie à courte durée. Donc, lorsque vous allez avoir terminé ce cycle-là, bien, vous allez tomber encore plus épuisé à cause justement de l'insuline qui est venue jouer dans vos niveaux de sang, à cause de la cortisol et à cause de la sérotonine aussi qui va être comme toute débalancée par rapport à ça. Le sixième point, c'est une seule nuit de mauvais sommeil. Ah! Oh, oui! À je le disais tout ça, à l'heure, oui. Une seule nuit de mauvais sommeil peut tout, jouer hein. Sur une semaine complète. Clairement. Automatiquement, vous allez le voir le lendemain, vous allez être beaucoup plus de mauvaise humeur, vous allez être beaucoup plus fatigué aussi. Par contre, la procrastination du lit est quelque chose maintenant qui est connu de la médecine. C'est-à-dire de remettre son sommeil à plus tard en allant sur son téléphone, mettons. Bien, c'est de tout simplement refuser d'aller se coucher. Ouais. Je suis pas encore fatigué complètement, je vais attendre de coller c'est les ça. Clous. Ouais. Je vais attendre. Ça me tente pas, mon émission n'est pas terminée. Cette procrastination du lit-là commence à faire parler de plus en plus dans le monde de la médecine parce qu'on se rend compte que c'est peut-être ça qui fait en sorte que tout le monde devient épuisé. Puis, comme tu le disais, je vais jouer sur mon téléphone, ouais. Tout ça. Ça aussi, ça vient jouer beaucoup, beaucoup. La technologie, les ordinateurs, les iPads, les téléphones, la télévision. En fait, ce qu'on demande, c'est tout simplement d'essayer de diminuer la stimulation cérébrale au moins 30 minutes avant d'aller se coucher. Donc, de lâcher son téléphone. Eux disent d'arrêter de regarder la télévision, mais quand même, c'est assez difficile. Ouais. Là, tu peux pas rester debout dans ta chambre pendant 30 minutes sans rien faire face au mur. Là. Mais, j'imagine qu'ils voudraient que ce soit là que tu prennes ta douche, que tu te brosses les dents. Probablement que tu brosses les dents, que tu mets de la crème pour la chat, nuit, ouais. Que tu flattes ton chat. Que tu prépares ton linge pour le lendemain, je sais pas, il faut... Ouais, que tu fasses imprimer un tampon en 3D comme dans le chronique d'avant. Ben oui, mm-hmm. Hein? Ben oui. Donc, de ce côté-là, il faut savoir que une nuit de sommeil, c'est très, très important. Ouais. Une nuit de mauvais sommeil va vraiment venir jouer sur l'entièreté de la prochaine semaine, sur votre humeur, sur comment vous allez fonctionner. On le disait tout à l'heure ce matin, on est très fatigués l'un comme l'autre. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être juste à cause d'une seule nuit de mauvais sommeil qui a fait en sorte que là, on est très, très, très fatigués. Mais tu sais, téléchargez-vous les petites applications de sommeil là, pour mm-hmm. vous réveiller au bon moment de votre cycle circadien. Et en oui. plus, vous allez savoir quelle nuit a été moins bonne que l'autre parce que vous avez un petit graphique, là, vous c'est le vrai. Dire. Vous allez savoir que c'est parce que lundi, t'as de l'impro chez 1h du matin. Oui, ça peut aider, ça. En fait, ce qu'on suggère, c'est de vraiment y aller avec un horaire de sommeil. aller toujours au lit à la même heure. Ouais. Déjà en partant, votre cerveau va réaliser que, oh là, dans une demi-heure, je vais me coucher. Il va s'habituer à être fatigué d'avance. Donc, lorsque vous allez arriver au lit, vous allez avoir plus de facilité à vous endormir. Donc, la procrastination du lit, comme ils appellent, va être beaucoup moins présente. Il y a ce côté-là. Et il y a aussi, comment est-ce qu'on set une horaire de sommeil? Bien, c'est facile. Vous prenez l'heure à laquelle vous devez vous lever en théorie et vous calculez 7 heures. Oui, donc, en bloc d'une heure et demie sinon. Hein. Oui, en bloc d'une heure et demie sinon. Par contre, c'est sûr que pour certaines personnes, tout dépendant de l'heure et surtout tout dépendant de notre propre personne, on n'a pas nécessairement besoin de chacun le même nombre d'heures de sommeil. Ce que les médecins disent, c'est que 7 heures est vraiment le nombre d'heures magiques pour avoir une nuit qui a du sens et une nuit qui ne viendra pas jouer sur notre humeur au négatif. Donc, vraiment, de calculer 7 heures à partir de l'heure à laquelle on est censé se lever, ça devrait être, en théorie, notre horaire de sommeil. OK. Mais si vous jouez là-dedans, je sais pas moi, vous sortez, puis vous avez une plus courte nuit de sommeil, bien, automatiquement, le lendemain va être difficile. Mais il faut essayer de récupérer ce sommeil-là et c'est là que ça devient très, très compliqué et que ça peut jouer vraiment à plus long terme. C'est difficile, ça. Oui, c'est très difficile. Eh bon. Méchant sujet, ça. Oui, quand même. Mais comme je disais, je vais vous poster l'article sur la page Facebook d'Assemblage Requis. C'est en anglais. Je vais essayer de la trouver en français aussi. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Il y a plusieurs autres articles qui sont liés dans cet article-là directement. Donc, si jamais vous voulez voir par rapport où vous vous situez vous-même, bien, vous allez pouvoir voir dans l'article. Magnifique. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Page Facebook d'Assemblage Requis. Page Facebook d'Assemblage Requis. Voilà. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ah, on a passé l'émission quand même assez relax aujourd'hui, je dirais. Une belle petite émission calme en ce lundi matin. On remercie David Ferron pour sa chronique carte bleachée avec son entrevue avec Aaron. Samuel Girard pour sa chronique d'actualité. On le remercie aussi. Demain, on sera mardi et à l'émission, on aura Jimmy Thibodeau à 8h pour sa chronique sur l'actualité internationale passée sous le radar. Un petit peu plus obscur comme sujet habituellement. À 8h30, Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la Luitre, parce qu'il y a un match ce soir à 20h à la Chasse-Galerie. Soyez-y, je vais être là, moi. À 9h, Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin, qui va nous faire un petit survol du plus récent numéro qui sortira demain. Donc c'est entre 6h30 et 9h30 qu'on fera Assemblage Requis. Sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les délirantes, l'émission de variété. À 14h, c'est Rock Classique en rappel avec Alain Lefebvre. À 19h, le voyage insolite. Et à 20h, Rock de Neurone avec du rock progressif. Mais dans quelques instants, à 10h environ, ce sera C'est fou, le sexe, l'émission sur l'éducation sexuelle. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. On se quitte avec une pièce. Faudrait faire la vaisselle. Oui. Ça, c'est le groupe. Lâche ta job, mais le nom de la Lâche pièce. Lâche ta job. Et on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée. Bonne journée. Ça vaille la peine demain d'aller servir des cafés. Reste ici, t'es même pas assez payé pour que ça vaille la peine jamais de retourner travailler. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Lâche ta job, lâche ta job demain.